Raymond Poirier est avec nous en studio pour parler technologie de l'information puisqu'il est chargé de communication à l'Institut Technologie et Société de l'Université Laval. Est-ce que c'est ça, Raymond? Technologie de l'information et société, voilà. Si tu me l'écris pas, je suis pas capable de le dire correctement. Je suis vraiment désolée. Mais heureusement, je sais de quoi on parle aujourd'hui. Ville intelligente, on va y revenir, mais on commence par parler du lancement de la chaire de recherche sur les cultures numériques. Exactement, et c'est lié indirectement à la thématique de la ville intelligente, cette chaire. Et c'est lié, en fait, à la plupart des thématiques numériques qu'on peut explorer par ailleurs. Donc, c'est une inauguration qui a lieu tout récemment. Professeur Milan de Douéi, donc du département des littératures à l'Université Laval, et son équipe qui ont présenté en fin mars dernier les objectifs de cette nouvelle chaire de recherche sur les cultures numériques qui entend globalement définir et comprendre les enjeux reliés à ce phénomène-là, notamment l'évolution du numérique dans notre quotidien, dans l'espace urbain, d'où la ville intelligente, ainsi que les mutations des formes de l'écrit qui sont aussi associées à cette sphère numérique. Donc, de manière générale, il faut dire que M. Douéi est un historien des religions, est un essayiste, est un penseur. Il s'est intéressé de près aux bouleversements sociaux engendrés par la montée des technologies de l'information. Il a publié d'ailleurs, je pense en fin d'année dernière, chez Seuil, un essai intitulé « Pour un humanisme numérique ». Donc l'idée étant de voir et de réfléchir à la place de l'humain à l'intérieur aussi de ces bouleversements-là. Et l'idée également que cette nouvelle sphère numérique pourrait représenter une certaine révolution sociale, une nouvelle étape de l'évolution sociale également, et donc qui devrait être construite, être bâtie dans un idéal de transparence, de partage également. Et si on résume les objectifs là, de la chaire sur les cultures numériques, on parle ainsi de la réflexion sur le numérique qui inclut ses usages, ses valeurs, le questionnement des modèles économiques du numérique, la recherche sur ses dimensions sociales, politiques, sur ses dimensions d'affaires également. Et l'idée aussi est d'être un lieu de formation privilégié pour les décideurs. Alors, des objectifs extrêmement vastes, mais extrêmement importants également dans le contexte de l'évolution de toutes ces structures. On aura l'occasion d'entendre reparler de cette chaire, d'ailleurs, à courte échéance, puisque le 26 avril prochain, un jeudi soir à 19h, M. Douéi sera en conférence à la bibliothèque Gabriel-Leroy pour présenter ses réflexions autour justement de cet humanisme numérique dont on a parlé. Donc c'est intéressant de mélanger un peu les deux, la technologie mais aussi l'humain. Mais oui, parce que de toute façon l'humain est intrinsèquement lié à la technologie, les changements technologiques, l'évolution technologique a une influence sur notre mode de vie, sur notre société et également nos manières d'organiser et d'entrevoir nos sociétés ont une influence sur la manière dont on construit nos identités, nos structures numériques. Qui mène qui, la technologie ou l'homme? On peut se le demander de plus en plus. Je pense que oui, ça me fait un peu peur. J'aurais pas dû poser la question. Raymond, deuxième sujet aujourd'hui, justement les villes intelligentes. Un rapport de Accenture nous en parle. Oui, en fait, j'ai trouvé que l'étude, la réflexion qui était proposée par cette firme-là était assez intéressante en lien avec les réflexions qu'on a menées au fil des dernières semaines. Notamment, j'ai réalisé qu'on a beaucoup parlé de la ville intelligente d'un point de vue de planification et de gestion urbaine, mais c'est quand même un peu plus que ça. Et surtout dans le contexte où, à la conférence de Selma Loulé à la bibliothèque Gabriel-Leroy, justement, lui soulignait et nous rappelait que la ville intelligente, c'est un peu trois axes. En fait, c'est le citoyen qui est au cœur de tout ça, c'est par et pour lui, appuyé par les infrastructures technologiques et l'administration municipale ou les administrations municipales. Et donc, l'idée est que ces trois éléments-là s'apportent chacun quelque chose et construisent ensemble donc cette ville intelligente. Et s'il y a un élément qui n'est pas présent, qui n'est pas adéquat, eh bien, nécessairement, la ville va flancher. Le rapport d'Accenture complète un peu les éléments qu'on a abordés au cours des dernières semaines, et notamment cette idée, justement, ce double impératif-là, qui est de favoriser une gestion responsable de l'environnement, tout en renforçant l'attractivité économique et sociale. Donc, ça s'ajoute peut-être un peu aux objectifs de bien-être citoyen, aux objectifs de modernisation et de facilitation au niveau de la gestion de la ville qu'on avait abordé au cours des dernières semaines. Donc, cette idée que la ville intelligente, finalement, on la construit pour qu'elle soit plus attractive, pour faire venir également d'autres citoyens. Si c'est plus agréable d'y vivre, c'est plus agréable. On a peut-être plus envie de venir la voir, de venir y vivre également. Et parallèlement, si le climat est favorable pour les citoyens, va l'être aussi pour les entreprises. Donc, il y a toute cette idée aussi de bonification qui est associé à la ville intelligente. Et donc, l'idée est d'étendre les technologies, oui, au niveau de l'énergie, oui, au niveau du transport, mais on peut aller beaucoup plus large aussi que ça, et je pense que c'est important de le spécifier et de le rappeler. La ville intelligente, c'est, oui, au niveau de la planification, oui, au niveau de l'intelligence d'affaires, mais ça rentre aussi, ça incorpore les éléments au niveau de la santé. Par exemple, si on fait des soins de santé à domicile grâce aux technologies, qu'on est en mesure de faire des meilleurs suivis médicaux, ben ça rentre aussi dans la ville intelligente. La culture également, donc au niveau de la diffusion, au niveau de la présentation, au niveau de la culture au sens très large. Donc c'est vraiment, je dirais, un terme parapluie qui peut s'appliquer à tout l'ensemble des technologies qu'on peut intégrer à l'intérieur de la ville pour favoriser la vie et pour bonifier la vie des citoyens et citoyennes. Parce qu'on s'entendait pas sur une définition. On s'entend toujours pas sur une définition, d'ailleurs, et celle que j'ai mentionnée ressemble un peu à celle qui était citée à Philadelphie. D'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est toujours M. Melouli qui soulignait ça lors de sa conférence, et à Philadelphie, c'était l'une des villes qu'il avait visitées qui avait pas d'intégration du terme technologie. C'était simplement l'idée, donc une ville intelligente, c'est une ville qui est là au service de ses citoyens et qui met en œuvre des moyens et des processus qui vont venir bonifier la qualité de vie des gens qui l'habitent. Et donc, que ce soit avec ou sans les technologies, pour eux, ben c'est du pareil au même. Évidemment, dans notre cas, puisqu'on parle de technologie de l'information, mais c'est à travers l'inclusion des technologies ce qui va nous intéresser peut-être un peu plus. Et à ce titre-là aussi, on pense évidemment mon réseau de télécommunications. Bon, ici à Québec, on a Zap Québec, mais si on va un peu plus loin, on peut aussi penser à l'idée de smart grids, par exemple, donc l'idée de la gestion électrique intelligente, par exemple, donc la gestion des moyens énergétiques aussi, si on applique ça à la ville, mais si on applique ça aux édifices, ben cette idée aussi de pouvoir faire des édifices intelligents, donc qui vont pouvoir réguler leur température interne, qui vont pouvoir réguler, exemple dans un musée, l'ouverture des portes, la gestion de la température des salles en fonction des mouvements, donc plein d'éléments comme ça qui peuvent venir donc bonifier la gestion et au bout du compte favoriser la vie des citoyens et citoyennes. Et pour l'instant, ça c'est un peu plus populaire en Europe, je crois, le fait que l'électricité, par exemple, je pense aux lumières, presque tous les buildings en Europe, bon, c'est quand on entre que la lumière allume et non pas allumée en permanence. Exactement. En fait, faut dire qu'il y a eu des problèmes où en fait ils ont été, disons, ils ont été mis face à certaines réalités un peu plus vite que nous ici au Québec. Au niveau des réalités énergétiques, le contexte, il me semble, n'est pas du tout le même non plus ici que là-bas. Mais ici, on commence de plus en plus à y réfléchir. Et la difficulté aussi, souvent pour les villes, et quand on mentionnait, il y a le citoyen, il y a l'administration, il y a les infrastructures, c'est souvent là où va se placer la difficulté, dans la mesure où on doit, pour rendre intelligente, entre guillemets, la ville, composer avec les infrastructures qui sont existantes. Généralement, ces infrastructures-là sont basées sur des technologies qui sont souvent figées, qui sont souvent propriétaires, qui sont parfois caduques. Donc, ça engendre un bon défi, si on peut dire, pour mettre ça à niveau. Il y a évidemment le citoyen là-dedans à qui on doit apprendre aussi à utiliser ces technologies-là, parce que si on les met à sa disposition mais qu'il ne les utilise pas, ben lui non plus ne peut pas devenir « intelligent » au point de vue technologique. Donc, la ville ne peut pas être intelligente non plus. Donc, c'est un peu toutes ces réalités-là. Et parallèlement, Accenture soulignait que, justement, dans un contexte technologique, il faut penser à l'agilité des systèmes qu'on met en place. Par agilité, ce qu'on entend, c'est cette idée que le système doit être en mesure de se bonifier, d'évoluer, de progresser sans être obligé de le remplacer intégralement, mais qu'on puisse simplement rajouter des composantes, bonifier certains éléments pour le mettre au goût du jour et pour pouvoir maximiser sa durée de vie. Donc souvent, exemple, on pense que des options à savoir open source, par exemple, dans lesquelles on peut aller travailler le code plutôt que des logiciels propriétaires, ont plus de facilité au niveau de l'agilité parce que on peut aller les modifier directement. Bon, ça dépend évidemment des logiciels propriétaires aussi. Ça, c'est un autre débat dans lequel on n'entre pas. Mais donc, cette idée d'agilité fait partie aussi, selon la firme, de cette idée générale de la ville intelligente. Et ça fait le tour du rapport ou il y a encore quelques points dont tu veux nous parler? Ben, en fait, on peut souligner peut-être, justement, globalement, en conclusion, là, donc, les plateformes, l'idée des plateformes, l'idée globale autour de la ville intelligente, donc l'inclusion générale, le citoyen qui est au centre de tout ça. Je pense que au fil des dernières semaines, c'est un peu les éléments récurrents qu'on peut identifier d'un rapport à l'autre, et même l'idée du citoyen qui est peut-être l'élément le plus fort qu'on peut ressortir donc de cette idée des villes intelligentes. Donc tout doit être fait pour lui, pour le citoyen et pour faciliter au bout du compte son existence, pour bonifier son milieu de vie. Je pense que si on a un élément de définition qui est certain autour de ce concept-là, ben c'est celui-là. Ça serait celui-là. Et c'est celui qui converge dans un peu tous les éléments, toutes les applications, toutes les réflexions que j'ai pu voir là, jusqu'à présent et qu'on pourra voir assurément dans différents contextes au cours des dernières semaines, qu'on pense notamment au colloque que Litis organise le 25 avril prochain autour de la ville intelligente. Ben sûrement que le citoyen va prendre une place prépondérante également autour de tout ça. Et Raymond, justement, si on veut plus d'informations sur ce colloque ou sur les conférences que vous organisez pour en apprendre plus sur cette fameuse ville intelligente, on consulte votre site internet. Exactement, itis.ulaval.ca. Et on peut réentendre aussi les chroniques que tu nous présentes ici dans Change de disque. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.